lumière. DMX, 50 nuances des gris. Usagers de Facebook, je vois défiler des minois, des petites jeunes filles attractives, mais bien trop jeunes pour moi, elles sont toutes jolies. Sur leur profil, les ingénues, oui, mais dans la vraie vie, tu te rends compte ben, qu'elles ont un grand cul. Quand elles font des selfies, elles connaissent l'amour qui va bien. La bouche en cul de poule, un peu coquine, voire catin. Mais dans la vraie vie, on se dit qu'il y a méprise. On constate, mesdemoiselles, qu'il y a 30 peris sur la marchandise. Est-ce l'alimentation trop riche qui vous fait des gros culs? Regardez les filles de 20 ans marcher dans la rue, elles déambulent fièrement. Main dans la main, de 20 kilos dépassant le poids de leurs copains. Vous n'avez que le bio à la bouche, pour les pires c'est vegan. Mais moi je trouve ça louche, est-ce que ta balance est en panne? C'est bien beau de jouer Miss Monde suffisante, prétentieuse. Mais t'es juste un peu ronde et t'es même pas Miss Meuse. Pourtant tu cours, cours, cours à perdre haleine. Ta montre connectée faisant état de ta vie tellement saine. Ah putain, elle doit être canon la fille qui fait des marathons. Alors pourquoi sur tes photos t'es toujours une femme tronc? Bon je suis pas très sympa mais ça je vous l'avais dit. Et puis il vaut mieux avoir un gros cul qu'être un gros con et gris. Faut juste mettre un peu moins de filtre sur sa plastique. Et puis j'avoue que certains gros culs peuvent me donner la trique. DMX, t'es un con, un vieux con, t'es un gros con. DMX, t'as un petit cul et t'es un gros con. DMX, cherche la mix et il va manger des mots. DMX, t'as un petit cul et t'es trop con. J'avoue que cette chanson est un peu trop cynique, mais qu'il est encore de moins bon ton d'être anorexique. J'en connais une qui par contre à 25 ans est parfaite. Il se trouve de surcroît ben, que c'est moi qui l'ai faite. Bref, arrêtons un peu d'attacher autant d'importance au physique, au statut, à l'apparence. Après tout mieux vaut un bon cul confortable et réel, qu'un bout de moi insipide, impalpable et virtuel. T'es un con, un vieux con, t'es un surveille ta prostate. Et ce sujet méritait-il une telle diatribe? Et papy, tu chantes comme Francis Cabrel. Désormais les femmes pour moi c'est un peu comme les peintres. Peintes, écueil, l'habit en deuil. Je préfère une de 40 que deux de 20. Menteur. T'es un con, un vieux con, t'es un gros con. Ça va, j'assume.